sapristi. On a fait des photocopies. Charo le label, mon humour est étrange. La tour de Babel, t'es mal au type, tu jettes un oeil. Il a confiance car on est fun. C'est nous on fait danser les jeunes. Je vois la télé lui quand il déjeune. J'suis sur mon bateau et mes ennemis tombent à l'eau. J'suis sur mon bateau et mes ennemis tombent à l'eau. J'suis sur mon bateau et mes ennemis tombent à l'eau. Mes ennemis tombent à l'eau. Mes ennemis tombent à l'eau. Tout le monde avec moi, la couleur. Tout le monde avec moi, la couleur. Tout le monde avec moi, la couleur. Tout le monde avec moi, la couleur. Tout le monde avec moi, la couleur. Tout le monde avec moi, la la cooking.